Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi je suis tombé là? Dans ce monde de merde. Dans ce monde de merde. Dans ce monde de merde. Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi je suis tombé là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Il va savoir. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Être tombé avec des gens que tu ne voulais pas? Des gens qui ne te voulaient pas? Avec des gens, avec tout ça. Pourquoi tout ce que tu veux entreprendre, on te dit t'es qu'une merde? Pourquoi on te dit t'es qu'une merde? Toute ta vie, on te dit, on te rabaisse, on te fait comprendre, on te le fait comprendre, on te punit en fait. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au début? Qu'est-ce que j'ai été au début? Pourquoi? Pourquoi ne jamais connaître un peu d'amour? Pourquoi personne ne peut aimer ta personne? Mais pourquoi? Pourquoi personne ne peut aimer ta personne? Tu les aimes, mais ils te haïssent. Ils font tout pour te punir. Ils te manipulent. Ils profitent de toi. Et puis, qui t'aime vraiment? Personne ne t'aime vraiment. Personne, personne, personne. Sinon, il t'aiderait à évoluer, à grandir, à te surpasser. Il dirait, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Raconte-moi ce que tu veux faire, raconte-moi tout ça. Quelqu'un s'intéresserait à toi, mais non, personne ne s'intéresse à toi, car chacun, c'est pour chacun sa gueule dans ce monde. Chacun sa gueule dans ce monde. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et c'est chacun sa gueule. Et c'est chacun pour soi. Et c'est chacun pour soi. C'est chacun sa gueule. Chacun, chacun. Et toi, tu les aides, ces enculés. Tu les aides tous. Et ils te punissent à chaque fois. Jamais d'amour, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais d'autre que toi. Jamais. Jamais. Jamais. Personne.